الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، الإسلام a donné une très grande importance et une grande place aux musulmans. Il lui fait honneur qu'il soit vivant ou mort. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset: et certes, nous avons honoré les enfants d'Adam et nous les avons transportés sur terre et sur mer et nous leur avons octroyé beaucoup de bienfaits et de subsistance et nous les avons préférés à beaucoup de ce qu'on a créé. L'islam a honoré le musulman lorsqu'il meurt en légiférant aux musulmans de le laver, de lui mettre le linceul, de le porter, de prier sur lui et de l'enterrer. Avec l'enterrement s'arrête le lien qu'il y a entre lui et le monde des vivants. Et il va vers ce qu'il a laissé comme œuvre, ce qu'il a accompli comme œuvre. Il va retrouver le résultat de cela. Il va vers un Seigneur généreux qui pardonne et efface les péchés et qui ne laisse plus de traces à ses péchés. La manière d'accomplir cette prière funéraire, la prière sur le mort, c'est que les prieurs se mettent debout. C'est une prière qui s'accomplit dans la station debout. Le mieux, c'est qu'ils forment trois rangs. Devant eux, il y aura l'imam. Ils le feront dans la prière sur le mort quatre fois « At-Takbir », de dire « Allahu Akbar ». Après le premier takbir, il faut réciter la sourate « Al-Fatiha ». Après le deuxième takbir, faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière ibrahimiya, comme on le fait dans le tashahhud. Après le troisième takbir, il faut faire l'invocation pour le mort, en faveur du mort. Et parmi les différents récits qu'on a du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les enseignements prophétiques dans la dua, il y a ce dua que vous avez entendu, dans lequel on demande à Allah de pardonner à celui qui est vivant et à celui qui est mort, de pardonner à celui qui est présent et celui qui est absent, celui qui est petit, celui qui est grand, celui qui est homme ou femme. Et on demande à Allah que s'il nous donne vie, qu'il nous donne vie sur l'islam. Et lorsqu'il nous prend notre âme, il nous donne la mort, qu'il nous la prend alors qu'on est sur la foi. Et on invoque Allah pour le défunt. On demande à Allah de lui pardonner, de lui faire clémence, de l'honorer dans son degré, de lui élargir sa demeure, de le laver avec l'eau, la neige et la grêle, et de le nettoyer, le purifier de toutes ses fautes et erreurs, comme le vêtement blanc est nettoyé de ses souillures, de lui changer la demeure qu'il vient de quitter vers une demeure meilleure, l'épouse qu'il vient de quitter vers une épouse meilleure, et de le faire entrer dans le paradis, et de le préserver du châtiment de la tombe et du châtiment du feu de l'enfer, de lui élargir sa tombe et de lui mettre de la lumière dedans. Et aussi, on invoque Allah qui ne nous prive pas de sa récompense et qui ne nous égare pas après lui. Puis, ils font le quatrième takbir et après celui-là, ils font le salam, les salutations finales. Et la prière sur le mort est un moyen d'intercession des vivants en faveur du mort. D'après Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui dit: j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire: il n'y a pas un homme musulman qui meurt, et qu'il y a 40 musulmans qui accomplissent la prière funéraire sur lui. Et ces 40 personnes, il n'y en a aucun d'entre eux qui associe à Allah. Ce sont des monothéistes. Sans qu'Allah fasse d'eux des intercesseurs pour lui. Allah accepte leur intercession, rapportée par Muslim. Donc, on comprend de cela que l'invocation pour le mort